sous terre, on arrive c'est sous terre. Sous terre, on arrive c'est sous terre. Consomme la calidad, négro la mer sort de sous terre. Sous terre, quand j'arrive c'est sous terre. Découpe la merde comme un alien, aquarium dans le sous terre. Mauvais pas d'alliés, on a 2000 ans de vous. Cause de weed marié dans le piège négro de ville en dessous. Audi la super, j'ai le plomb, j'ai le super. Fumé épaisse, c'est pas on est où, SO free, j'fume comme si j'ai 6 coeurs. Je veux finir CEO, SO kicks, pourquoi si OV? Flow quasi létal, j'appellerai pas mon fils Ethan. Faction et le prioré, j'suis dans les bas de Diorec. OVG, on arrive dans la soucoupe black. SO doc, toujours sous couche black. Là pour le cash easy, 2 MS comme le KGB. Bouddha noir, SO roule encore Rachidi. Le 4-18, rap gang fragilise. 2 SS clan, OV général en boss. J'ai les plaquettes et les racks en étage. Kaki guest vient en vax dans l'état. C'est pas ma faute, j'ai un radar à F. Antilou, ça met les pièges. Ça rachète comme le Qatar à F. Sous terre, on arrive c'est sous terre. Consomme la calidad, négro la merde sort sous terre. Sous terre, quand j'arrive c'est sous terre. Découpe la merde comme un alien. Aquarium dans le sous terre. 0667, call moi j'ai les loud. Pas là, j'bougue les nages, j'suis avec NH, de l'endroit les flashs. Zigus Jack, 8 plus H. Dans la même feuille, tu connais déjà la compo, on garde la même gueule. Qui peut gérer V de bif? Déjà équipe, j'étais 10. Pas de palace de LV, bit négro, pas de palace, c'est LV vif. Cash moula, ouais. Kick, tu dis oula, ouais. OVG négro, fou la merde. Dans le rap, jeu de merde, nique sous la couette. J'ai la pierre de lune, style dans les pièces de luxe. Trop de fumée qui danse négro, je vois R Lama, c'est en perte de vue. On éveille l'œil, taf, pendant qu'il lag. Frill, sauvage frill black, mort aura, grosse que des bitches. Damn, SO le coup, qui te prend les ninjas. Beaucoup de flow dans la carte mère, on a le savoir dans l'art, guerre. Sous terre, on arrive c'est sous terre. Consomme la calidad, négro la merde sort sous terre. Sous terre, quand j'arrive c'est sous terre. Découpe la merde comme un alien. Aquarium dans le sous-terre. Aquarium dans le sous-terre. Aquarium dans le sous-terre.